et au visage triste. Faut que je tutoie et fait espérer. Pardonnez mon âme pour faire souffrir et excusez-moi auprès de mon cœur épuisé. Ma vie composée d'une belle symphonie, de cris de tendresse et de silence aussi. J'ai appris par cœur au chant langoureux. D'abord pour rire, puis espérer et réfléchir. J'aime beaucoup les paroles, mais j'ai oublié l'air. Viendrez-vous encore me la redonner cet hiver? Décomposé, les plus belles symphonies.